Une jeune fille de 25 ans avait rêvé qu'elle avait préparé un repas pour les 5 membres de sa famille. Même l'ayant servi, elle appelait ses parents, mais personne ne répondait et elle n'entendait que l'écho de sa propre voix, comme si elle eût été dans une profonde caverne. Effrayée, elle allait dans la chambre de sa mère qui, assise, immobile et les yeux fixes dans un fauteuil, était changée en pierre. Son père était figé au milieu de la pièce. La jeune fille se jetait dans ses bras et voyait avec horreur la statue de son père se réduire en poussière de sable. Elle se réveilla en proie à une terreur folle qui l'empêcha de bouger pendant plusieurs minutes. Prisonnier. Être fou. Elle eut le même cauchemar à 4 reprises en quelques jours. 10 jours après le 4e cauchemar, elle se révéla atteinte d'une forme aiguë de schizophrénie, accompagnée de symptômes catatoniques. Son état était étrangement similaire à celui de pétrification où elle avait vu les siens en rêve, et son attitude correspondait à celle que, dans son cauchemar répété, elle avait prêté aux autres. Alors je serai un écho et une ombre.